Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM et Canal Sud.net. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Bienvenue. Comme je vous disais tout à l'heure, donc vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM sur la région toulousaine ou le www.canalsud.net sur internet. Ensuite, l'émission c'est Nuisance, Nuisance N-U-I-S-A-N-C-E avec un S entre parenthèses à la fin, présenté par Al ou par d'autres personnes. Nuisance est une émission qui nuit au sens, dans tous les sens du terme. La nuisance. Nous sommes le 28 février 2014, le 28 février 2014, il est 21h19 et je m'encule moi-même. The Rambucket Jacket. It was going astray the whole fucking time. The thing was going astray the whole fucking time. It kept going on, never stopping. Just going on, never stopping, you know. The thing was going astray, you know, never stopping. Never stopping. Never stopping. Never stopping down. Down. Down all the way. The whole fucking time, the thing was going down, down all the way. The whole fucking time it was going down, down. And the thing was going away. That's what it's all about, you know. And I was telling the guy, you know, it's going away, astray. You know the thing, the rum bucket jacket? Rum bucket jacket. Rum bucket jacket. It was going astray, it was going astray, it was going all the way down, you know. All the way down to the fiery pits of hell. The fiery pits of hell. Like, I was telling the guy, fuck you, motherfucker, and the guy was answering me, yeah, you're right, it's certainly certain that I really give a fuck, and I'd rather drink sperm than fuck myself in jism, you know, jism coming, all that sort. And so the guy was going astray, you know, just keeping on going and fucking himself, you know, up the ass the whole fucking time, you know, the piece of shit, motherfucker. I mean, what the fuck? What the fuck? That's what I was telling the guy. I was telling him, like, what the fuck are you doing here? Just go to your fucking hell and pits in hell and fuck him. Fuck him. You get that? You get that? Do you want to hear that again? Fuck him? Want to fuck him in the ass? Okay, well, go ahead. Go ahead and just pay them first. You know, that's what I was telling the guy. I was telling him, like, pay them first and then fuck him in the ass. You know, fuck him in the ass. You know that? Fuck him in the ass. You know what that means? Ce qui signifie, à peu près, le ciel est beau, la terre est belle, et moi je m'aime pas, et tu pues le trou. You can hardly stand it. Pas peine de supporter. Mais c'est vrai, parce que le mec il me disait, non mais ça va pas, ça va pas. Et moi je lui disais, mais si, ça va très bien. Et c'est à ce moment-là que le mec précisément il me disait, mais non, je veux pas te croire, parce que je te crois pas. Et moi je lui dis, pourquoi tu me crois pas, parce que c'est comme ça. Et lui il me dit, non, c'est pas parce que t'es comme ça, c'est parce que t'es qu'un connard de merde et je t'encule. Et moi je lui dis, ouais, mais c'est vrai, d'accord. Et d'abord, et alors moi je t'encule d'abord. Et le mec il me dit, non, c'est parce que c'est moi d'abord. Et c'est à ce moment-là que le mec il me dit, mais merde, mais putain, comment ça se fait, t'sais? Et moi je lui dis, mais putain, j'en ai rien à foutre, je t'encule. Et le mec il me dit, mais non, c'est pas vrai. Et je dis, oui, c'est vrai. Et c'est à ce moment précis que le mec il me dit, mais non, non, c'est pas possible. Comment tu veux faire ça? Comment tu veux faire ça? Comment tu veux faire ça? Comment tu veux faire ça? Comment tu veux faire ça? Comment tu veux faire ça? Comment tu veux faire ça, qui dit? Il se concerte et il se déconcerte. Et en déconcertant, il se dit, mais tant pis alors, mais va mieux que le temps, il vaut mieux que le temps à Swallow, quoi, que foisonnement, assolence, insolence. Reste-t-il en ciel? Au mec, insolence pestilentielle. Et le mec il me dit, mais non. Et moi je lui dis, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est pas de ça que je parlais d'insolence pestilentielle. Et le mec il me dit, mais non, c'est pas vrai. Et moi je lui dis, c'est vrai, t'as raison. Et c'est à ce moment-là que je me dis, il y a un truc. Il y a un truc dans le cul de quelqu'un, au fond du trou, je veux dire, tout au fond du trou, il y a au fond du trou de quelqu'un, du cul, qui pue. Un truc. saying fuck it. Fuck the whole fucking shit. And I'm like, what the fuck? And the high guys are just fucking away, you know? And it's like, I don't care, but they're fucking down. And I'm like, fuck it, it's just shit. And it's like, it's never stopping, you know? And it's like, I'm never gonna get that. Just get that. I'm never gonna get it, you know? And that's what I'm saying to the guy. I'm saying to the guy, up, up and away. Up, up and away. It's never gonna go down. So it's gonna go up, up, up, up, up and up and away. You gotta fathom the glory, man. You gotta find the questionable, the century up the spontaneity of spontaneity. You know what I mean, TT? Shadows know. The shadows know. The shadows know everything about yourselves. It's like you're on back a jacket. The whole fucking time. It's never stopping, it's never going down, it's always going up, up, up and away, up, up and away. That's what I was telling the guy. That's what I was telling the guy. I was telling him, up, up and away, dude. Up, up and away. And the fucking guy was telling me, well, what the fuck are you talking about? And I'm like, I don't care, it don't mean shit, you know? It's not like it means anything anymore, right? It's like the good old days are dead, you know. And that's what I'm saying. It's never gonna stop, you know. It's never gonna stop. It's just the whole fucking time. Les gens, ils sont là, et ils en ont rien à foutre. Et ça continue comme ça, et ça s'arrête jamais. Et on comprend rien, et on en a rien à foutre. Et c'est toujours la même chose. FM ou canalsud.net, c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Bien sûr, Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, s'encule, comme d'habitude, et vous rote à la gueule, beurre. À part ça, pas grand chose, toujours la même chose. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrêtera donc jamais. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Jamais. Jamais ça s'arrêtera parce que c'est comme ça. Nuisance, s'encule, comme je vous l'ai déjà dit. Il est passé 21h, j'espère que vos enfants sont couchés, parce que je vais parler anal un peu. L'anal, j'hésite pas. Je m'encule à sec avec du gravier tous les soirs, et pourtant, démesurément, con que je suis, je ne m'en rends même pas compte. Voilà, c'est fini. On peut réveiller les gamins et les refoutre devant la radio maintenant. Rien, on veut dire rien justement, partout du rien. répétait aussi, mets-moi du rien dans la gueule, mets-moi en partout sur le corps, du rien, je veux du rien partout, partout sur le corps. Crache-moi ton rien, mec. Ah, c'est infernal. Le pire, c'est que ça s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête jamais. C'est comme si on voulait presque nous faire souffrir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je veux, c'est t'abattre dans un flot de sang, de 100% pur jus. La division du travail dans le travail de division. Abattu. Et la division dans le cul du travail. Le fractionnement analogique. Toujours par-dessus. Les entités merdiques subconséquentes. Par derrière, qu'importe. Tant que l'anus. Qu'importe, c'est la porte. Va à la porte de l'anus, tout va bien. Dire que c'est super important qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Non, vraiment, c'est important, donc si vous pouvez vraiment vous mettre à comprendre, ce serait cool. Ouais, donc pour comprendre, évidemment, il faut suivre les informations militantes sous-jacentes et vous foutre un doigt dans le cul. Et suivre, en fait. Tout en rotant. Suivre ceux qui se sont déjà mis un doigt dans le cul. En rotant. En rototant, même, je dirais. Parce que rototo, d'abord dans le cul, rototo, dans le cul, dans le cul, dans le cul, rototo, dans le cul, rototo, dans rototo, dans le cul, to, ro. Et même si vous avez trouvé un groupe où on vous chie pas sur la gueule, tôt ou tard, on s'allie à un autre groupe qui nous chie sur la gueule. Et qui se salue lui-même. Ça s'allie à tout le monde sauf les alliés, parce que l'alliance finalement, ben c'est comme le rance, ça pue du cul. L'alliance, ça pue du cul. Non, c'est vrai ce que je dis. D'abord, c'est comme le mariage, ça pue, mais c'est comme les pactes aussi, ça pue. Et c'est comme les arrangements aussi, ça pue aussi. En fait, tout pue, quoi. Ok. Bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer. C'est con de s'allier avec des collabos juste pour avoir un peu de sous. C'est con. Oui, parce que ce qui va sortir du con des collabos c'est de la merde. Forcément, ça nous retombera dessus. Le cul. Alors s'il faut avoir des retombées financières en même temps que des retombées de merde, c'est pas intéressant. C'est pas progressiste, quoi. Progressiste par la soumission. Ça veut dire quoi, progressiste? Ça veut dire commencer par accepter sa merde, savoir comment la faire retourner à un cycle naturel, plutôt que de la fuir. Dans le cul. Et tous ensemble, en fait. C'est l'enfer, mon truc. Ouais, arrêtez, c'est l'enfer et demain ça sera encore plus l'enfer. Ouais, c'est ça l'enfer sur Terre. Parce que génial. Demain il y aura des mouvements ou des fronts populaires unifiés, des hipsters français. Ouais, vive et le là fascisme. On sera vraiment vraiment dans la merde. Vive la France, quand libre. Quand on aura des fronts de punk à chiens, des tout ça européens. Et tout ça dans le cul. De c'est bobo. Ça qui importe. Les bobos. Et de toute glaçon pour savoir si ça passe, ils prennent toujours la température. Avec un thermomètre au mercure. Mercurochrome, le pansement des héros. Et oui, à force. De voter pour des pseudo-euros. Alors mais des euros, justement, on vote en parlant pour de déprime. J'avais envie de parler de vraiment de dépression. Donc il y a un mec qui s'est suicidé dans la rue l'autre jour. Voilà. Donc il est mort. C'est cool, non? Mais comme il est pas connu, c'est pas quelque chose de connu. Si, c'était Michael Jackson. Sauf qu'il s'était enterré vivant d'abord. D'accord. Avant de se tirer une balle. C'est ça qui est marrant, justement. Bah en fait, quel gros tas ce mec. On se rend pas compte, mais il y a souvent une détermination assez féroce pour se supprimer. Alors que, avec toute cohérence, en plus simplicité, je veux dire, permanentement quoi. C'est pas en déblatérant des âneries qu'on arrive à quelque chose, hein, finalement. Mais quand même. Bah, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors justement, ce soir, on voulait parler de cul, quoi, donc je m'encule, première chose. Deuxième ça chose, me rappelle, toi aussi. Ça me rappelle un gendarme qui s'est suicidé de 2 balles dans la tête à la 22 Long Rifle. Et je trouvais que c'était assez fort. Ça va faire du bruit. De s'enculer 2 fois avec une 22 Long Rifle, c'est pas évident. Pas mal, ouais. Par le nez, j'espère. Bah en fait par 2 côtés de la tête mais du coup je sais pas, il est balèze le gars. Le mec il est franchement balèze. Il mérite le respect. Il mérite. Ouais, c'est pour ça respect une pisse quoi. Pisse en trop. Mais bon, quand même, la France c'est un beau pays quoi. On a quand même les Daft Punk quoi. Puis bon, c'est beau parce qu'on a des frontières, parce que sinon on pourrait pas trop dire la France si on avait pas de frontières. Je voudrais affronter le trou du cul de mon fion. Eh oui. Bonsoir. Ouais, c'est pour ça en fait, tu vois. Tu sais que c'est ton fion parce qu'il est sur toi. Tu vois, il y a des limites. Tandis que si on posait pas de frontières, et ben. De fiontières ? On pourrait pas se définir. Mais quand on se définit, on se limite. Et en se défiantant, on arrive à quelque chose, je veux dire, logiquement. Quand on veut fonder une culture, on l'a fait par. Par exclusion. C'est-à-dire. On peut se défianter. Ouais. Mon fion n'est pas ton fion, la France, c'est le roquefort, le saucisson, la marseillaise. Chose que du fion. Et ça n'est pas le chou, la bière de Munich, etc. C'est pas Bruxelles, les choux de Bruxelles, je veux dire. C'est-à-dire que je suis français parce que je ne suis pas allemand, parce que je ne suis pas italien, parce que je ne suis pas belge, parce que je ne suis pas anglais, parce que je ne suis pas espagnol. Saucisse. Parce que je ne suis pas saucisson, parce que je ne suis pas espadon, parce que je ne suis pas. Je suis français parce que je suis une saucisse. Je suis français parce que je ne suis pas. Parce que je ne suis pas moi-même. Now you can take it. The true. Ton trou. Your ass. T'arrêtes de parler, c'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut dire de la merde, justement. Ah, oh, c'est incroyable, quoi. Mais vous écoutez rien, hein, vous les jeunes. voie de la sagesse, enculez-vous les uns les autres. Trop du fumant. Enculez-vous les uns les autres. À peine te supportes-tu, trop du cul. Where the sun gone down, a new uptown. Et tu vis dans un gros bidonville. Fait de bidonville. Ça se passe si moi je suis de force égale à toi, en fait mon autocratie elle peut se conjuguer à la tienne quand même, quoi. On peut carrément s'accoupler si tu veux. Bah en fait on peut se taper sur la gueule et puis non, après couplé, je parlais. Mais ça c'est un accouplement, enfin chez moi on s'accouple comme ça en fait. Ah, on se tape sur la gueule. Mais moi en fait quand je commence avec une fille ou un garçon, quand j'arrive au lit, je fais une grosse coupe, une prise de catch, une gaugette, j'arrive avec mon avant-bras sur sa gorge comme ça à fond les ballons. Et il ou elle fait une pirouette cacahuète. Et là, en général, justement, je lui fais l'oignon. Mais ça, c'est consenti, quoi. Thanks. Thanksgiving. Merci à tous les Indiens qui nous ont sauvés jadis. On n'avait pas le cul sorti des ronces. Mais bon, maintenant c'est fini, quoi. On s'est démerdé sans eux, donc. Enfin, qu'ils restent chez eux, quoi. Enfin, je veux dire. Le chez eux qu'on leur a fait. Dans le cul. Je sais plus où c'est, si c'est dans le cul ou dans un autre département, mais. En tout cas, on les a parqués et puis de temps en temps, en fait, on leur file une petite rétribution. Voilà, histoire de les mettre dans une position d'assister pour dire que c'est de leur faute les problèmes. On pouvait pas leur permettre de discuter avec tout le monde parce que imagine qu'ils se seraient entendus, après on aurait vendu quoi nous. Si tout le monde commence à résoudre ses problèmes tous ensemble, dire moi je fais quoi. J'ai pas envie d'être à la même hauteur que les autres. Moi, je veux être patron, je veux être cadre, je veux être leader des masses, tu vois. Je veux me distinguer. Ouais. Ouais, c'est ça, mec. C'est comme ça que j'ai fait, en fait, tu sais. Mes parents, ils ont porté des chaînes en acier autour du cou. Oui. Et moi, maintenant, j'ai des chaînes en or, tu vois. Ça veut dire que je suis libre. Je veux dire que. Non. De enculé, je suis passé à enculeur, donc je suis libre. Non. Ça fait des heureux. Et des hommes. Des hobbies. Bon, après, c'est sûr, il y en a toujours qui m'enculent, mais j'encule, donc ça va mieux, quoi. Ah, c'est très joli. Ouais, on va laisser un peu. C'est très nuisant pour moi, ça. Ah. Ah. Un peu seul, il y en a qui sont dans leur cube VIP. C'est marrant, c'est moi le public, mais je suis moins nombreux qu'eux. D'habitude, c'est le contraire. Il y en a un qui se met en spectacle. Regarde, mais il regarde pas tout le monde. Excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît ? Ouais, j'ai pas le droit de le dire. Bon, d'accord. Je crois que j'ai capté un truc, en fait. Non, mais le dis pas, alors. Il faut pas le dire. Quand on capte quelque chose, faut pas le dire, parce que sinon, les autres, ils bouffent ton secret. Et ils te bouffent le cul, et après, t'es obligé de les lécher. Leur lécher la bite, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, ouais. Obscur, tu dis ? C'est ça. Ça veut dire quoi, obscur ? Ça veut dire pas trop clair, quoi. Ah merde. Ça correspond bien à l'émission Nuisance, l'émission Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. N'est-ce pas ? Il faut savoir que la vie privée, c'est une anomalie, hein. Selon Google. Je sais pas si t'es au courant, mais toi t'es un petit peu trop obscur, quoi. Ça mériterait qu'on te fasse parler, tu vois. Est-ce que l'affreux Jojo obscur il est parti ? Non, mais il est bien pâle. Pour quelle raison ? C'est inné, non ? Est-ce qu'on est affreux Jojo ? Ou est-ce qu'on le devient ? J'entends pas ce que tu dis, tu parles pas la langue. Ton esthétique ne correspond pas à la mienne, aussi bien parce que tu portes du bull rod que parce que tu n'as pas. Voilà, même dans le verbe, tu sais. C'est pas fun, quoi. C'était. T'as fait que consommer ce soir, t'as rien produit, quoi. T'as même pas fait un petit punch, t'as consommé une bière, tu m'en as même pas apporté, quoi. Ouais, l'important c'est que tu tries, en fait. L'important c'est que tu tries. Si on trie ensemble, ça va, quoi. Ouais. Excusez-moi, j'avais mis trop fort le volume, je voudrais vraiment me faire pardonner en me suçant la bite, quoi, donc je vais me sucer la bite à partir de maintenant. On peut trier ta bite. Ouais, mais trier. Ah ouais, on va continuer moi-même. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Oh. Si tu veux. Bon, trions nos ordures ensemble. Est-ce que tu es d'accord pour entrer dans le compartiment ordures? C'est si tu le fais toi-même, en fait, ça nous aidera, sinon on va beaucoup trop forcer. Bah, vive le fascisme. Bah, en fait, vive le goulagisme. Goulagise-toi toi-même. Je kiffe Nicolas Sarkozy. Ouais, moi aussi, je sais. Ouais, c'est un bon goulagiseur, en fait. Il est beau. Il est beau et bon. C'est une belle bête. Non, c'est vrai, c'est une belle bête, ce mec. Tant qu'il n'est pas président, on peut dire qu'il se fait enculer et tout ça. On n'aura plus le droit de le dire une fois qu'il sera président en 2 ans. Ouais, là, c'était enfin. Ça en fait le truc. Bah donc on peut le dire, Nicolas Sarkozy va se faire enculer. Ah, c'est vraiment pendant qu'il y a le règne de... Je suis pas sûr, non. Bon, bah je prends moi, tout sur moi. Pas, parce que c'est peut-être... On n'a pas le droit de dire non en fait encore. Hein? Putain, en fait, ouais. Tant que... Putain, qu'il y a le chien avec ça. Je sais pas. Putain, je peux dire mon nom, je peux dire elle va te faire enculer. Il y a des noms publics un peu, je sais pas. Non, en plus, pas ouais, c'est un nom public. Genre, des hommes politiques. Bah, il y a des rues Sarkozy. Non, mais il t'a dit, c'est par rapport. C'est s'il est. S'il est en règne, quoi. Voilà. Mais je sais pas. Peut-être, non, peut-être que. Quand peut-être elle est en place, l'iconoclase, tu sais, au fond de l'église, tu peux pas y toucher. Tu vois, faut rien dire dessus. Par contre, après, une fois qu'ils l'ont remballé, t'as le droit de cracher dessus. Ouais, je suis pas sûr. Bon, alors, on va dire que c'est comme ça et qu'on crache dessus. Voilà, c'est fait. Mais on sait pas trop sur qui. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est bon comme ça. Tu vois, c'est pas mal. J'aimerais bien, même si les gens ont une mémoire de moineau, qu'ils aient retenu en fait ce qu'on a dit avant. Pour qu'ils savent en fait ce qu'ils ont. Avant quoi? Je me souviens plus. Ah, quel connard. Je suis vraiment une merde. Ouais. Avec des gens comme toi, comment tu veux qu'on se projette dans le futur? On te rappelle même pas tes racines. Espèce de raciste, je suis. Tu te rappelles même pas que t'es français, quoi. D'ailleurs, je sais même pas si t'es français, tu parles trop anglais. Vive la France libre! Ouais. Oh, oh. Je trouve que t'as un affreux jojo qui ne nuit pas assez en fait. Le gros sac qui dormait. Ouais. Il était crevé là de sa péripétie. Il a dormi là-bas? Non, il est resté la journée là-bas quoi. Ouais. À cause de la neige. On va parler du tout en fait. Je voudrais donc remercier l'Éternel. Excusez-moi. dimanche au pavillon sauvage, vous aurez droit à une session du labo 146 expérimental sonore et ou de performance libre improvisationnelle. Donc dimanche à partir de 16h sur le thème des synthétiseurs analogiques. Et les récapés de la télé et d'autres gens seront là quoi, pour vous divertir avec des gueules anales dans le cul toujours. Non, je rigole. En tout cas, c'est au pavillon, c'est à partir de 16h et c'est dimanche. Session d'expérimentation sonore et ou de performance libre improvisationnelle. Keep knocking at the door, keep grasping my whales on the lisping twitch. The radio sounds are going down now. We cannot hear anything anymore. We're all dying here. We're all gonna die here. I know it. We're never gonna go anywhere else but here. We're all gonna die. I know it. We're gonna die. Die. Die, motherfuckers. Die. You deserve to die. Deserve it. You deserve to die. Vous méritez de mourir. Vous le méritez. Si, si. Vous le méritez. On le mérite tous et toutes. One, two, three, four. Knocking at the door of my rasping, wailing, twisting, twitching, lisping, itch. Fucking it the whole fucking time, the whole way down, up my ass. It's killing me, you know? It's never gonna go down, it's always gonna go up, up, up, up. Up, up and away, up, up, up, up and away, motherfuckers. We're all gonna die. Nous ne sommes pas acteurs de notre débat. Nous ne sommes pas le débat. Le débat, c'est nous. Pour toi là-bas, dans le fion, dans le fion, dans le fion, dans le fion, dans le fion, dans le fion, dans le fion, dans le fion, dans le fion. World Company. Celui qui tire la chasse derrière la porte. I'd like to say something now. Something terrible. Something horrible. Something twisted. Something shitty. Something full of it. Full of it. You hear me? You hear me? I'm so full of it. I wanna say something now. I wanna say something now. I wanna say something now. Something full of it. Full of it. I wanna say something now. Full of it. It's full of it. C'est l'enfer. sur Terre. I'd like to say something now. It's so full of it, full of it. It's so quack, full of it. Quack, quack, full quack, of it. Quack, quack, quack. You gotta quack, know what I'm quack, saying. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. You gotta know. I'd rather say something now. I'm so full of it, full of it. You're full of it. I'm so full of it. Full of it. Full of it. Full of it. I am so full of it. You are so full of it. Full of shit. Full of shit. Yes. Oh God. Take this, brother. Understood now? Have you understood now? Have you understood? Now? Now or never? Now or never it's going down. It's going down. The whole way down. Down the whole way, down the whole way, down to the pits of fiery hell. Tu veux bien apprendre l'anglais? Non, apprends le japonais plutôt. C'est beau. C'est les gâteaux. Tadakimas. Urusai. Quelqu'un a une définition de crypto-communiste? Ouais, un crypto-communiste. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit le mec tout à l'heure. Ouais. Ça m'a fait penser à cryogénie, et donc du coup j'ai pensé à Alien. J'ai pensé à d'autres trucs, tu vois, mais ça m'a pas fait avancer. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Je suis d'accord avec ça, mec, passe pas l'alcool. Ouais. going down the whole fucking way, you know. No, it's time. The whole fucking time. It's time to go down. I don't know. There's no way out. There's no way out. Les mecs qui me disent, putain, mais vas-y, réveille-toi. Il y a le réveil qui sonne, ouais. Réveille, réveille. C'est la merde. Réveille, réveille, réveille. Faut aller chier. Ça arrive. C'est ta seule énergie renouvelable. Ne la confie pas à d'autres. Et c'est là que je lui dis ouais. Ne va pas au WC. Je lui dis ouais. Ne va pas noyer ton étron sous 12 litres de flotte potable. C'est à ce moment-là précis que le mec qui me dit mais putain, putain mec réagis quoi. Réagis. Mais ouais, t'es quoi ça en ta bagnole quoi. Merde quoi, ouais. Ouais. C'est vrai ça. Ouais. C'est là que le mec il me dit putain ouais c'est vrai quoi t'as raison mec. Ah pioche. T'as raison d'aller au Mali mec. Et à chaque Comment fois on ferait rouler notre caisse sinon la caisse putain. Et à chaque fois c'est rouler la bosse là. Dans le fion, dans le fion. De toute façon c'est des chameaux, on peut leur rouler la bosse. Ils ont voulu la bosse à d'autres chameaux. Ils peuvent pas comprendre. Je crois qu'ils ont plus, je crois qu'il y a plus de pétrole là où les chameaux ils ont deux bosses. Plus fort. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont deux bosses. Roule deux fois la bosse plus fort, en général il y a beaucoup de pétrole qui sort. Bah ouais, dans deux bosses ils peuvent mettre deux fois plus de pétrole que dans une bosse. Ouais. Et moi je pense qu'il n'y a que l'Occident qui a eu cette pensée, tu vois, cet élan divin de comprendre ça quoi. De comprendre que voilà. Nous on s'est pressé la bosse quoi. Tu veux voir ma bosse dans mon pantalon? Elle pue. Elle ouais, pue du cul. C'est une bosse de bourgeois en fait, c'est pour ça qu'elle pue. Elle pue la merde. Ouais. La merde du cul. Tu veux la sentir, tu veux la voir, elle saigne. Elle saigne dans le cul. C'est comme ça qu'on lubrifie un anus avec du sang. Du sang purulent. La pustulentialité. La pustulentialité. Pustulentiel, ciel. Où es-tu, pustulence? Que tu veux bien m'épouser. Épouse-moi, pustulentialité. Oh, comme j'aime ta pustulence. Pustulentiel, mon mari. C'est pas grave. Comme tu es pustulant dans l'intime et rutilant dans le public. Dans le cul. Du sang. Plein de sang. Rouge. Du sang. Rouge. Je me demande si la solution pour avoir du pétrole, ce serait pas de donner plus d'armes en fait aux endroits où on veut que ça pète. Faire des chameaux après on peut y aller parce qu'il y a de la bagarre et c'est moi qui ai fait ça. Ça veut dire qu'il faut que je me réveille parce que c'est la merde. C'est toi, sale indien. T'as même plus de bison. Putain, mais et tu pourrais pas chanter du blues à la place? Je sais pas, au moins les noirs, tu vois, on a fait un peu d'argent avec eux, tu vois. Et puis, on les a montrés intégrés, tu vois. On a même mis un président. Il est 22h15, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est actuellement nuisance. Vous pouvez voter pour dire si c'est utile ou pas de créer 1000 milliards d'euros. Vous pouvez voter, mais ça servira à rien. Tout en haut, ils s'en foutent, hein. Je me suis posé la question, c'est qui avait la clé du local là, tu sais, l'Europe là. Donne-moi ton foutre. Bon, c'est ce qu'ils nous ont dit, l'Europe, donne-moi ton foutre. Qu'est-ce que tu veux en faire? Donnez-moi aussi du foutre d'Ukraine maintenant pendant qu'on y est. Je veux le. Je pense que ça peut être un bon plan. Me toucher. Du foutre d'Ukraine. Ukraine. Ouais. C'est tout nouveau. En fait, ça faisait longtemps qu'on en produisait là-bas. On s'est dit que c'était le moment de prendre ce marché-là. Il y a beaucoup de trucs à faire, hein, là-bas en Ukraine. Mmh. T'as pas mal de cultures vivrières, t'as surtout les pipelines qu'il faut faire passer. Alors c'était soit les Russes qui voulaient passer par là, soit nous. Vous bon, savez, les Russes, ils ont pas trop ouvert leur gueule dernièrement parce que c'était déjà positionné. Les gars, vous saviez que le HUC règne? Ouais, ouais. Dans le monde, le HUC, il règne, quoi. Ouais, ouais. Oui, le HUC mais règne. Tout, mais tous les HUC, en fait, ils craignent, quoi. Bon. Franchement, tous ceux qui sont membres de ce truc-là, moi... Je pense que faudrait qu'on leur apprenne un petit peu ce que c'est que la civilisation, tu vois. Et ouais. Nous peuple digne héritier du siècle des Lumières, devons porter la lumière partout où je n'ai pas posé mes yeux. Vieil aigri. Simple citoyen. Vieil aigri. On peut toujours maquiller sa grisitude. Thank you. we all fuck each other in the asses. Yeah. Et c'est à ce moment précis qu'on en a rien à foutre. What? Et donc, je vais vous présenter un peu l'émission Nuisance. Nuisance, c'est une émission à tendance bruitiste, donc comme le bruit. Une émission donc à volonté évidente de faire mal aux oreilles et faire souffrir l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est la somme de tous les affects. Alors, ça veut dire quoi, ça? La somme de tous les affects, ça veut dire que tout ce qui nous affecte, eh ben, on additionne tout ça et ça donne l'âme. Ça donne la somme de tous les affects, ça donne l'âme. Et l'âme, on veut la prendre dans Nuisance, on veut la prendre, l'âme, et on veut l'enculer, ok, d'accord. On veut prendre l'âme, on veut la retourner, et on l'amène dans le bon sens, et on l'encule, ok. Nuisance, c'est une émission qui encule l'âme, ok, qui en a rien à foutre de l'âme, qui en a rien à foutre de rien d'ailleurs, parce qu'elle s'encule elle-même, pour te dire. Nuisance, c'est de la merde, ok. Nuisance, ça s'encule soi-même, et c'est de la merde, et on en a rien à foutre, ok. Comme je vous disais tout à l'heure, l'émission Nuisance donc s'encule soi-même parce qu'elle a aucun respect pour rien. Parce que l'émission Nuisance d'abord n'a aucun respect pour rien. Voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi l'émission Nuisance n'a aucun respect pour rien? Parce que d'abord, on en a rien à foutre. Alors ça explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'abord? Et c'est là où je dis franchement nuisance, et ben s'encule soi-même. Et elle vous prend l'émission, elle vous retourne, elle vous encule aussi parce qu'elle vous connaît même pas. C'est pour ça qu'elle vous encule. Oui, c'est du viol de l'âme. L'âme, j'en parlais tout à l'heure, la somme de tous les affects. Et ben c'est du viol. Moi je suis un violeur. Voilà. Super. On aime bien les enfants, donc on va vous raconter une petite histoire maintenant. Il était une fois un connard avec un fion dans le cul, tu sais, qui puait la merde. Et le mec il se balade dans la rue et comme ça il pète quoi. Et t'as une meuf ou je sais pas quoi, un mec quoi à côté, tu sais, qui dit mais putain tu pues de la gueule. Et le mec il dit non, c'est pas la gueule, c'est le cul. Je pue du cul, tu vois. Et alors c'est à ce moment là que le mec ou la meuf, je sais pas trop, lui dit mais putain c'est trop beau ce que tu viens de dire. Et le mec qui pue du cul, hein, je sais pas quoi, et ben il dit putain, c'est trop clair quoi ce que tu me dis en fait. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Tu vois? Et l'autre il dit ouais, ou enfin elle dit ouais, tu sais. Et c'est trop cool quoi, c'est beau et tout. Et ils font des gamins dans le cul, tu sais, t'as vu, c'est beau hein. Ouais. Alors après, ils prennent leurs gamins, tu sais, et ils les enculent avec des fions, tu sais, et de la merde, et ils les frappent. Tu sais, c'est des hétéros, ça s'appelle des hétéros. Ils frappent leurs gamins, tu sais. Ils prennent leurs gamins, ils les retournent, ils les enculent, et ils les frappent, tu sais, les hétéros. Ouais, tu savais pas? Ouais, ça s'appelle un hétéro. Un mec qui fait ça, c'est un hétéro. Et une meuf qui fait ça, c'est une hétéro, en fait. Une hétéro, c'est quand tu prends ton gamin, tu le frappes et tu l'encules. C'est trop fort, non? Ça tue, non? Fumer, ça tue. Vous n'avez absolument rien compris ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que je disais? Alors j'étais en train de vous expliquer la raison du fion. Alors tu prends un fion, tu fous le fist dedans, tu fistes ton fion, tu fistes le fion comme ça. T'sais. Et là, qu'est-ce que tu récupères au fond de ton fion? Tu récupères de la merde, du mucus rectal et du sang aussi, parce que t'as éclaté ton sphincter en passant. Voilà. La puissance du fion. Elle diminue pas la puissance du fion, elle est belle. Plus fort le fion, plus fort. C'est presque exponentiel la puissance du fion. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Du fion est exponentiellement radiation parce qu'il est vers ton oreille en fait. Ça va contre ton oreille, c'est nocif. I don't know what's happening there. away against the midwire of the history. It's gone haywire once more. I don't even think I'm sore. So often. Sucks big dick, motherfuckers. What is happening right now? I can tell you, I just don't want to. Fuck you. Disons, c'est une émission à tendance bruitiste. Bruitiste comme le bruit. Le bruit des marteaux-piqueurs, par exemple, le bruit des odeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Laissez tomber. C'est pas grave. C'était une citation de Voltaire. Candide. Candide dit « Va te faire enculer, bâtard, sale fils de merde. » Et l'autre, il répond « Ouais, t'as raison, enculé. » T'as vu? Space. Okay, so just fuck yourself up the ass the whole fucking time. Down, down, down. I don't want to see you see, right? Right? See what I mean? See what I mean? It's not like you're ever gonna find anything down here, you know? It's not like over there you're gonna find something too, right? So you're just the stupidest motherfucker ever. You suck. You suck big fucking penis dick. You stupid whimsical, tragical, whip-ass, whiplash of a roadkill fuck. You stink. You stink of cum, man. You reek of crummy, shit-ass cum. You're covered in it, and I don't give a fuck about you. J'en ai rien à foutre ta gueule. D'ailleurs, c'est le foutre. Tu pues de la gueule, tu pues du foutre de la gueule. T'as vu du foutre ce soir. Tu pues de la gueule, tu pues le sperme. Tu pues. Tu pues de semence. Tu ne danses jamais avec tes enfants. Avec de la semence dans le corps, n'est-ce pas? Tu ne danses jamais avec tes enfants, avec de la semence dans le corps, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que tu comprends pas ce que tu veux dire, hein? Tu veux pas savoir. Tu veux pas savoir. Eh ben, ne sache pas. Ne sache pas, il crève en enfer. terre, c'est là l'enfer. C'est ici. Tu y es. Bienvenue en enfer. Sur terre. Nuisance. Sur Canal Sud 90.2 FM ou Canal Sud.net. www.devant. De Canal Sud.net. Tous les vendredis de 21h à 23h, exceptionnellement, à partir de vendredi prochain, il n'y aura pas de nuisance pendant un mois. Par contre, dimanche, dans deux jours, il y a une session libre improvisation ouverte à tous, je crois. Enfin, je suis pas sûr, à voir. Et sur place, et surtout sur le thème du synthé analogique, une session improvisation libre, microphone, expérimentation, sonic. Darf au pavillon sauvage à partir de 16h dimanche, là dans deux jours, là le 2. So now's the time where I'm going to tell you, just shut up, man. You're stupid. Just shut up. Je veux baiser mes enfants, prout. Je suis prédisposé à vouloir baiser mes enfants, prout. Sans y a rien à dire. C'est que de la merde. La chiotte. De la merde. De la merde pourrite. Et c'est dans le cul que ça se passe. La tête, c'est dans le cul que ça se passe. Parce qu'on se lève le matin avec la tête dans le cul, et que c'est comme ça que ça commence. Le matin, la tête dans le cul, et que c'est comme ça que ça commence. Toute la journée, on part avec la tête dans le cul au départ. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Tous les jours, la même rengaine, la tête dans le cul. Et c'est comme ça que ça commence. On est là pour rigoler, les gars. Ouais, on est là pour rigoler. Ouais, les gens, c'est trop cool. Ah putain, c'est trop cool comment on s'éclate dans la vie. Ouais, la vie, c'est trop de la balle. Je veux faire des gamins et je veux les enculer. Ah ouais. Starting over. Over again. Fuck you. We're never gonna start over. It's just full of shit, you know? Give up, motherfuckers. Aux gens, mais sincèrement, pas d'espoir, c'est plus sage. Connasse et connard. D'ailleurs, ce qui est sûr, c'est la bêtise humanisée, bestialité, et puis ce n'en finit pas d'être chiant. La vie de merde de ces cons. On est foutu son cerveau d'ailleurs. Voyons, voyez, dévoyez-vous, d'ici à ailleurs, dégénérescence, décadence, entropie, et puis ce n'en finira pas d'être à jamais à chier, cette vie, à chier. Thank you. faire découvrir la noise. La noise, c'est la musique bruitiste, et la musique bruitiste, c'est la noise. collègue, il est à peu près 23h10 maintenant, en sachant qu'on a commencé à 21h15 à peu près, environ. Quoi. C'est-à-dire que le temps qui m'est imparti dans cette association, qui est Canal Sud, est révolu. Le temps est parti donc pour l'émission Nuisance, N-U-I-S-A-N-C-E-S, avec le S en la fin entre parenthèses. Nuisance donc sur Canal Sud, comme je vous disais. Que vous pouvez retrouver sur le net au www.canalsud.net ou dans la région toulousaine sur le 92.2 MHz. Comme je vous disais donc, il est 23h, Nuisance touche à sa fin.